urgence psychiatrie à l'appareil. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler, c'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui. Il m'a dit qu'il ferait bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah bah ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Des petits machins avalés pour manger. Mm-hmm. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Bah, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui, comme ça, après. Pourquoi il vous a dit de nous appeler, alors? Je comprends pas, puisque vous allez si bien. Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi je suis un oiseau et je ne dépasse pas ceci les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pourrez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Hein. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Vous échappez. Non, non, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte. Je suis tout en haut de l'arbre. ne trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Mais écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur. Ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Allô? Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. Un oiseau.